assez. Julien Doré. Je m'entends plus là. Pas la bonne de goût, mais bon, j'aime bien ce qu'il fait. C'est un petit côté pop. Hein. C'est ce morceau. Moi j'aime bien ce morceau. Enfin, j'aime bien son album d'ailleurs. J'aime bien. Moi après, ouais, c'est vrai, il y en a, ils aiment pas. J'aime beaucoup son album. Et en ce moment, j'écoute aussi Florent Marché, qui est un peu le style. Pas pour le chant, pour les mélodies. Par exemple, j'aime bien. Et puis les riffs que j'aime bien. J'aime bien Hôtel Thérèse, le morceau ça s'appelle Hôtel Thérèse, c'est ça ? Là, j'en profite, je vais écouter. Mais... Hôtel Thérèse, j'aime bien le... Spin de Bush en 58, Hôtel Thérèse. Faible, invincible sur la falaise. Je veux pas qu'on me touche. Je volerai l'écran de ton.